An de grâce 1211. Le roi Jean, excommunié, multiplie pillages et forfaitures et prépare une infamie pour se venger du pape Innocent III. En apprenant son funeste dessein, le comte de Huntingdon demande à Guillaume Ducel de l'aider à lui faire obstacle. Chevauchée, bataille, traîtrise, guet-apens, l'expédition multiplie les périls et surprises. Le destin de la chrétienté que Guillaume a entre les mains va-t-il basculer ? Cordoue 1211 de Jean Daillon. La suite des aventures de Guillaume Ducel, un roman publié aux éditions Robert Laffont. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Bouffon. Quand le roi s'amuse. En 1832, Victor Hugo présente un drame en 5 actes. Le roi s'amuse avec comme héros Triboulet. Mais qui est ce bouffon? Vient-il vraiment du 16e siècle? Étrange personnage que ce Triboulet, qui s'amuse, qui fait réfléchir et qui est sage. Le mystère est la seule enveloppe où la fragilité d'une intrigue d'amour puisse être en sûreté, dit-il. Mais quel mystère enveloppe le bouffon du roi? Triboulet. Quel étrange nom et quel étrange personnage. Marie Bouaïc-Gironès, bonjour. Bonjour Xavier Mauduit. Quel est votre Triboulet? Alors, j'en ai un préféré, mais donc Triboulet, il y en a plusieurs. Il faut donc parler, vous l'avez dit, des Triboulets. Nous avons donc... Ce sont des personnages complexes. Il faut donc faire un point sur cette situation, puisqu'il y a des Triboulets, de René d'Anjou à François Ier, donc à peu près sur une période qui court sur 80 ans environ. Alors, tout de suite, hein, qu'est-ce qu'on a en main pour faire l'histoire de ces Triboulets? Pas grand-chose, malheureusement. Effectivement, beaucoup de mythes, une fortune littéraire très grande. Alors, les sources. On va commencer par ça. Il faut toujours commencer par les sources. En histoire, vous avez parfaitement raison. Non, mais c'est la base. Donc, on a très peu de sources, mais quand même des sources d'archives, des contes notamment, quelques sources narratives éparses et très peu explicites sur les fonctions et les statuts de ces personnages. Bon, première chose. Deuxième chose, on a des pièces littéraires qui sont attribuées à Triboulet, le plus souvent non datées. Donc, quel Triboulet? Et puis, on a des pièces de théâtre qui mettent en scène Triboulet, donc dont on ne sait pas s'il est le personnage et l'acteur, ou le personnage, l'acteur et l'auteur. Les trois à la fois. Voilà. Et puis, on a des textes qui ont fait la fortune littéraire de Triboulet, de Rabelais, jusqu'à Victor Hugo. Voilà. Alors, on pourrait même rajouter Guillaume Meurice de France Inter, alors, qui vient de publier un ouvrage avec Triboulet comme personnage essentiel. Et donc, par ailleurs, c'est un personnage qui a inspiré un certain nombre de romans historiques. Alors, Guillaume Meurice n'est pas le premier à avoir écrit un roman historique sur Triboulet. Il y a eu aussi Francis Perrin, il y a quelques années. Voilà. Et donc, le dernier roman de Guillaume Meurice, qui vient de sortir il y a quelques jours, hein, que je n'ai pas lu, mais on pourra en parler parce qu'effectivement, j'imagine qu'il revendique la filiation à travers ce roman. Il doit revendiquer cette filiation entre Triboulet et lui, donc effectivement, le nouveau bouffon, non pas du roi, mais de la radio institutionnelle, c'est lui, en effet. Peut-être que la filiation est là. Mais il y a aussi c'est le roman de Guillaume Meurice, hein, c'est Le roi n'avait pas ri. Voilà. Mais il y a aussi des acteurs qui revendiquent évidemment le personnage du bouffon, Dario Fo, par exemple. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de relativement sûr sur les Triboulets? Alors, c'est qu'ils sont plusieurs. Triboulet, c'est le nom de plusieurs fous de cour et de un ou deux acteurs de renom, au moins. Voilà, donc, 1, 2, 3, 4, 5 Triboulets peut-être, en tout cas au moins 3, ça c'est sûr. C'est un personnage qui nous étonne, Mais évidemment, puisqu'il a laissé comme ça une telle mémoire, nous le retrouvons chez Victor Hugo, aujourd'hui dans des romans beaucoup plus contemporains. Marie Bouaïk-Gironès, vous êtes historienne, chargée de recherche au CNRS Sorbonne Université. Vous êtes l'auteur d'un ouvrage intitulé « Les clercs de la basoche et le théâtre comique, Paris 1420-1550 ». Et votre étude sur Triboulet nous conduit sur un des Triboulets, celui du roi René. C'est un enfant que notre bon roi. Comment pouvez-vous, Triboulet, parler aussi peu révérencieusement de notre bon maître? C'est un service à rendre aux puissants que de leur dire toujours la vérité. Et croyez-vous qu'un autre maître vous y autoriserait? Assurément pas, messire le sénéchal. Et c'est bien la raison pour laquelle je sers le roi René et nul autre. Devant lui, je ne ferai pas si fortement l'aimable. Mais je vous le confesse, il n'est pas de souverain plus aimable que lui. Il est tellement rieur, notre bon roi. Sauf quand il a besoin d'argent. C'est-à-dire toujours. Quand il a besoin d'argent, il lui advient de se mettre en courroux comme un damné. Or, pour nous, l'affaire est singulière. Car le roi ne veut jamais mettre injustement à contribution ses peuples. Bien au contraire, à la Chambre des comptes, il gronde toutes les fois que l'on veut faire donner trop aux paysans ou aux bourgeois. Et ce n'est pas là le moindre paradoxe, seigneur Triboulet. Dans le même temps, il veut toujours plus de sacs d'écus pour acheter quelques animaux d'Afrique, quelques reliques qui lui sont vendues pour vrai, pour agrandir ses jardins ou, plus simplement, pour donner de belles fêtes. Le roi René d'Anjou, présenté dans la Tribune de l'Histoire en 1973. Marie Bouaïk-Gironès, qui est ce roi René d'Anjou? Donc, René d'Anjou, c'est un grand seigneur angevin, cousin et beau-frère de Charles VII, et donc qu'on appelle roi parce qu'il était par ailleurs roi de Sicile, comte de Provence, etc. Il avait une multitude de titres. Donc, c'est un roi qui entretenait une cour absolument somptueuse et beaucoup d'artistes à sa cour. Le roi René s'attirait les peintres, les musiciens les plus en vue, les poètes, les acteurs, les peintres. Il a quand même fait venir Vanek à sa cour et il était fou de théâtre. Il en jouait lui-même et il entretenait un certain nombre d'acteurs et de dramaturges à sa cour. Donc notamment Jean Duprieur qui a énormément écrit de mystères, de farces, de moralité, etc. Ça a laissé beaucoup de traces dans les archives. Et puis Triboulet. Alors la question Triboulet est présenté comme le fou de René dans les contes. Donc c'est là où on a le plus d'archives. On a des sommes phénoménales qui sont dépensées pour les habits de Triboulet, qui est présenté donc comme fou. Alors, on sait par ailleurs que Triboulet a écrit, ou en tout cas on lui attribue d'une façon pas encore tout à fait certaine, mais là je vais vous épargner les querelles des spécialistes, mais on lui attribue quand même un certain nombre de textes de théâtre, dont la farce de Maître Patelin, qui est la farce la plus connue du XVe siècle. Et puis il a écrit des sauties, des vigiles Triboulet, des débats, le débat de Triboulet avec la mort, qui est quand même un très beau texte, un très grand poème savant, qui devait être joué, performé. Voilà, donc Triboulet, c'est un fou, mais en réalité, enfin, il prend le personnage de fou, puisque, à mon sens, le fou est plus un personnage qu'un statut, finalement, à la cour. Mais c'est visiblement un dramaturge et un acteur. Un personnage qui est intéressant, Triboulet, parce que, oui, bien sûr, sous cette image de fou, nous disons aujourd'hui bouffon très facilement, mais il va falloir clarifier le vocabulaire. Il est capable d'écrire, vous avez évoqué ces sauties, ces petites pièces, extrêmement politiques d'ailleurs, ces sauties. Et avec nous aujourd'hui pour discuter de cette figure du fou, du bouffon, Cédric Michon, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'histoire moderne à l'université Rennes 2, spécialiste de François Ier, un roi entre deux mondes que vous avez fait paraître chez Belin, et puis beaucoup plus récemment dans La cour des lions, hommes et femmes de pouvoir de la Renaissance, chez Passé Composé. Justement, je vous pose la même question, mais qui est votre Triboulet? Je suis un petit peu ennuyé de vous répondre, d'autant plus que j'avais bon espoir que Marie en sache plus sur le sien que moi sur le mien. C'est-à-dire que, en fait, il y a entre deux et trois Triboulet. On considère que le mieux documenté, paradoxalement, est le plus ancien, celui de René d'Anjou. Mais c'est vrai que vous parliez de Guillaume Meurice tout à l'heure. Il m'avait posé cette question il y a un an et demi maintenant. Et j'avais dit, écoutez, je n'ai pas grand-chose à vous dire sur Triboulet. Alors j'avais été vérifier ce qu'on pouvait trouver sur lui. Et effectivement, il y a vraiment très peu d'informations. Si vous voulez, à titre indicatif, il y a une grande publication scientifique qui est parue à la fin du 19e siècle, qui est le calendrier des actes de François Ier. Ce sont 35 000 actes qui ont été publiés donc sur toutes les affaires de l'État. Et vous avez sur chaque personnage de la cour entre 20, 30 et 200 actes qui les concernent. Et bien sûr, Triboulet, vous n'avez que 3 actes qui ont été conservés. Si vous regardez les index des grandes biographies de François Ier, je pense à celle de Knecht, de Robert Knecht par exemple, il y a une mention de Triboulet. Et cette mention de Triboulet, elle est renvoie en fait à la pièce de Victor Hugo, hein, Le Roi s'amuse, dont vous parliez tout à l'heure. Donc la chose peut-être la plus émouvante que l'on ait sur lui, c'est un portrait qui est un portrait de Clouet, qui est conservé à Chantilly et qui nous donne une image assez précise de son visage. Mais pour le reste, je dirais que c'est encore pire que le Triboulet de René d'Anjou, puisque véritablement, on n'a quasiment aucune certitude sur lui, si ce n'est qu'il disparaît vers 1536. Quand on dit disparaît, c'est est-ce qu'il a été disgracié ou est-ce qu'il est mort? Même ça, on n'est pas absolument certain. Et on ne sait même pas s'il y en a un ou s'il y en a deux. C'est-à-dire que Guillaume Meurice prend le parti. On sait tellement peu de choses qu'il peut faire un peu ce qu'il veut. Hein. Et beaucoup de gens ont considéré que le Triboulet de François Ier était le même que celui de Louis XII. Mais on a des indications. Guillaume Berton, qui a travaillé sur Triboulet, part dans cette direction-là. On a l'impression qu'il y en a plutôt... deux, c'est-à-dire le premier de René d'Anjou, et puis ensuite deux Triboulet qui se succèdent, un sous Louis XII et un sous François Ier. Ok, nous en sommes à trois. La seule chose, oui, on est à trois. Voilà. On en est à trois. La seule chose, peut-être juste pour répondre à votre question, mais de manière presque plus générique qu'individuelle, c'est que l'une des caractéristiques des fous, je dirais, de l'Italie du XVe siècle, et puis ensuite de l'Europe au XVIe siècle, c'est le passage progressif du fou qui est a priori un idiot naturel, on va dire, qui fait rire de lui par le décalage de sa manière d'être en société. On passe progressivement à un bouffon, c'est-à-dire à un amuseur professionnel et qui est là pour faire rire, et notamment par son talent de répartie, d'ironie, d'imitation, de mime, etc. Et le Triboulet de François Ier, a priori, n'était pas un idiot. C'était clairement quelqu'un qui avait une distance par rapport à ce qu'il faisait. Donc c'était un bouffon. Donc dans le passage du fou au bouffon qu'on observe dès le XVe siècle en Italie et puis partout ailleurs en Europe au XVIe siècle, Triboulet est du côté du bouffon et pas du côté du fou. Voilà, il ne faut pas confondre tous ces mots et toutes ces notions. Le fou et le bouffon ne sont pas la même chose. Tu dois chier dans les habits de bouffon. T'es où ce clou ? France Culture. Eh bien, fripouille, tu t'es espongé dans la vinasse ? Le cours de l'histoire. Qui est fou ? Xavier Mauduit. Dans Les Visiteurs, le film de Jean-Marie Époiré, il est question d'un bouffon, parce que dans tous les clichés sur le Moyen-Âge arrive toujours ce bouffon. Mais Marie Bouaïc-Gironès, il faut bien préciser ces mots. Le fou, déjà, est un personnage en soi. Qui est le fou du roi? Alors, le fou du roi, c'est pas le seul personnage de fou au Moyen-Âge. On a aussi on a le fou des villes, on a les fous et les sots qui sont des noms de dignités de confréries joyeuses, hein. Il y a tout un imaginaire de la folie qui n'est absolument pas limité à la cour. Le fou, le sot, c'est aussi les dignitaires de confréries joyeuses qui sont des confréries parodiques au Moyen-Âge. Et c'est surtout effectivement un personnage qui peuple la littérature et qui peuple le théâtre. Alors peut-être un point sur le terme de bouffon et de fou. Le terme bouffon n'apparaît absolument pas jusqu'au milieu du XVIe siècle. C'est effectivement le terme de fou. Il apparaît Par contre, il n'apparaît pas en français, il apparaît en latin. Hein. Moi, je le vois sur tout ce qui est procès d'acteurs ou dans les textes canoniques. Hein, il est utilisé, le bouffon, c'est synonymique d'histrion. Donc, ça apparaît dans les textes des théologiens, dans les textes canoniques. Et donc, l'histrion, le bouffon, un terme hérité de l'Antiquité, de l'Antiquité et donc de l'Église primitive, c'est, par exemple, ce qu'il ne faut absolument pas être quand on est un clerc. Donc, c'est vraiment cette notion repoussoire, ne pas être un histrion, ne pas être un bouffon. Ça, on en a, tous les textes canoniques le disent, c'est l'Église et le clerc qui se construit vraiment en miroir du théâtre. Hein. C'est la fameuse rivalité Église-théâtre que l'on voit vraiment mise en scène dans tous ces textes depuis les pères de l'Église jusqu'à la fin du Moyen-Âge. Et ensuite, le terme de bouffon, je crois, il apparaît en français pour la première fois chez Clément Marot, et c'est une forme d'italianisme. Effectivement, en Italie, le terme de bouffon est sans doute utilisé plus tôt. Eh bien, justement, nous évoquons cette italianisation de ce mot-là avec Marot, personnage intéressant parce qu'il a ramené énormément de choses d'Italie. Et nous l'écoutons, Clément Marot, lu par Tatiana Werner. Triboulet suit qu'on peut juger en face, n'avoir été des plus sages qu'on fasse. Honnête fut, chacun contrefaisant, sans jamais être aux dames malfaisant. Duluc, jouet, tambourin, évielle, herpès, rébet, doulcène, chalmel, pipette, flageolet, orgue, trompes et cors, sans y entendre mesure ni accord. En chant, danse, fait chose non pareille, mais dessus tout, de prêcher fait merveille. Car mon esprit qui n'eut donc que repos, en 20 paroles faisait 30 propos. Armé en blanc, jouté d'épée et lance, aussi cruel à plaisir qu'à outrance. Devant moi, page tremblois comme la fièvre. Fier menaceur et hardi comme un lièvre, le roi donc me fait asseoir à sa table, où lui donnait main passe-temps notable. Un extrait des deux recueils de Jean Marot. Jean Marot, alors c'est pas Clément, mais les deux sont poètes, oui, et les deux oui. sont contemporains. Voilà. Ces deux recueils vers 1533-1534, avec cette évocation tout de suite littéraire de ces figures très particulières que sont ces personnages d'amuseurs autour du roi. Il faut toujours avoir un regard sur un temps plus long. Nous évoquons le fou autour du roi René d'Anjou, nous sommes plutôt fin 15e siècle, et puis nous évoquons le fou autour du roi François Ier, nous sommes au 16e siècle. La lecture hein, peut s'étendre sur un temps plus long. Dites-nous, Marie Bouaïc-Gironès, il y a toujours des amuseurs autour des souverains. Oui, il y a toujours des amuseurs. Alors effectivement, le Triboulet de René d'Anjou, on peut penser que c'était un acteur. Si on admet hein, qu'il a écrit la farce de Maître Patelin, les vigiles Triboulet qui est une sottise, etc., c'est un dramaturge, c'est un acteur, mais son personnage, c'est le personnage du fou. Donc effectivement, c'est normal qu'on l'appelle fou dans les contes. Hein, quand on précise les contes, hein, c'est bien C-O-M avec un P-T-E-S. Absolument, hein, voilà, c'est l'argent. Absolument, les contes et dépenses des princes qui sont quand même notre première source d'informations sur ces personnages là. Voilà, donc je voudrais revenir sur la question du c'est ce qu'a dit Cédric Michon sur la question du fou qui serait un authentique débile au Moyen-Âge pour passer au bouffon amuseur professionnel du spectacle à partir du 16e siècle. Alors là on voit bien avec Triboulet de René d'Anjou que déjà au 15e siècle c'est évidemment un professionnel du spectacle, mais on voit encore dans l'historiographie la question question, on lit encore, hein, sous la plume de certains collègues, que Triboulet de René Donjou aurait été un semi-débile. Alors moi, je trouve qu'il y a une contradiction. Si c'est un semi-débile, ça ne peut pas être l'acteur génial et l'auteur, et le grand auteur qui a écrit La farce de Maître Patelin, le débat de Triboulet et de la mort. Voilà, donc il y a toujours eu des amuseurs à la cour des rois, ça c'est sûr, mais la figure du fou est vraiment protéiforme et je pense vraiment qu'il faut la penser plus comme un personnage, une sorte d'emploi, hein, même si le terme est anachronique, plutôt que comme des gens qui auraient été recrutés pour leur déficience mentale. Je crois vraiment que c'est le personnage du fou qu'il faut voir ça. C'est un personnage. Cédric Michon, le personnage du fou joue le fou. Un personnage qui, en réalité, est un auteur, est un acteur, mais qui endosse comme rôle celui de quelqu'un déficient mental. Est-ce qu'on peut lire le fou ainsi ? Oui, moi je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Marie Boyk. Effectivement, je pense qu'il y a un personnage qui est joué, et je pense qu'il y a, ceci dit, une évolution, enfin je suis tout à fait d'accord, mais avec cette idée quand même d'une évolution au cours des 15e, 16e, et avec une évolution qui fait se rencontrer est-ce que vous m'entendez parce que... Très bien, je vous entends parfaitement. Oui, parce que je sais pas, il y a des sons bizarres. Désolé. Des sons un peu fous. voilà, c'est ça, exactement. Et il y a la coexistence, en fait, des différents personnages et de différents types. Et on a même, au-delà, dans la seconde moitié du XVe siècle, on a des fous dans l'entourage d'Henri II qui, eux, semblent être des déficients mentaux. Après la période du deuxième Triboulet, qui sont, eux, clairement des personnages, des acteurs. Donc je pense qu'il y a coexistence, en fait, des différents formats. Et puis, il faut évidemment inscrire ces personnages, j'insiste sur ce mot de personnage, dans des civilisations particulières, notamment celles, eh bien, c'est ce qui vous intéresse, vous, Marie Boëc-Gironès, celle du développement du théâtre à la cour de René d'Anjou, vous l'avez bien dit, on ne peut comprendre ce personnage auprès du roi qu'en saisissant un ensemble beaucoup plus large, une civilisation du théâtre qui se met en place. Voilà. Alors une société du spectacle qui est évidemment très très claire au Moyen-Âge, et donc évidemment le théâtre comique, satirique, politique explose au milieu du 15e siècle, ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas des farces, des joueurs de farces et du théâtre au 13e et 15e siècle. Hein, pareil, on en voit dans les contes de cour des rois, on voit à quel point ils payent les services de joueurs de farces. Simplement, on n'a pas les textes. Donc effectivement, on dit que l'âge d'or du théâtre comique, politique, satirique, c'est le milieu du 15e siècle jusqu'à... En fait, ça termine pas. Hein, il y a une filiation entre le 15e et le 17e siècle, hein, beaucoup plus importante qu'on a voulu le voir. Donc, je crois que le 15e siècle est vraiment la matrice refoulée du théâtre européen, hein, puisque explosion du théâtre comique, mais explosion aussi de toute forme de théâtre religieux, sacré, des moralités, un théâtre moral, un théâtre édifiant, un théâtre politique, etc. Voilà, donc ce qui est certain, c'est que c'est une société qui est saturée de théâtre. À la cour des princes, à la cour des rois, dans les villes, etc. Voilà. Et justement, nous pouvons faire ce même parallèle un peu plus tard. Votre Triboulet, vous donc, il est lié à René d'Anjou au théâtre. Et le Triboulet suivant, ou les Triboulets suivants, ceux de Louis XII et de François Ier, sont liés à un univers où l'humour est omniprésent. Il n'est pas possible de faire une émission, le cours de l'histoire sur France Culture, autour de l'histoire du rire, sans faire intervenir Rabelais. Maître, l'âme ne sort-elle pas par le nez qui éternue ? La bouche qui râle, comme le maintient l'Église. Ou une autre ouverture. Il n'est nul endroit du corps où les folles philosophes, théologiens et médecins ne lui assignent demeure et porte de sortie. Ne dit-on pas que les hommes meurent en pétant, les femmes en vessant, Ainsi nous sort l'âme par le cul. Monsieur. Enfin. J'ai l'honneur de te présenter, ainsi qu'à l'assemblée de coquins qui fréquentent ton illustre taverne, Maître François Rabelais, médecin engagé à l'hôpital de l'Hôtel-Dieu, esprit subtil et farcesque. Bref, le meilleur compagnon du monde. Venez, messieurs. Cette table d'honneur réservée au roi François sera vôtre, mais au diable les manimania, qu'un autre François l'occupe le temps qu'il lui plaira. La très excellente et divertissante Histoire de François Rabelais, un téléfilm réalisé par Hervé Ballet, diffusé sur France 2 en 2010. Cédric Michon, oui, il y a des personnages particuliers, des amuseurs autour du souverain, mais qui reflètent un humour, l'humour de cette période formidable d'ailleurs, celle de Louis XII, François Ier, celle d'une cour effervescente de création. Cédric Michon. Cédric Michon est parti retrouver son Triboulet. Dites-nous, oui. Marie Bouaïc-Gironès, oui. Effectivement, nous avons ça. Il n'est pas possible d'étudier un personnage, le fou du roi, le bouffon, sans regarder l'ensemble de la société, sa production. Absolument. Alors là, je vais complètement oublier ce passage sur Rabelais. Rabelais reprend l'histoire de l'âme qui sort par les fesses quand il dit on meurt en pétant. Ça c'est une chose qui court dans le théâtre du XVe siècle. Et il reprend là une farce qui a été jouée pendant le mystère de Saint-Martin. À Sœur en Bourgogne en 1496 et pendant la mort de Saint-Martin, donc un théâtre extrêmement sérieux et religieux, on a une farce qui met en scène un meunier qui est en train de mourir et le diable a envoyé, Lucifer a envoyé un de ses petits diables aller chercher l'âme du meunier qui est un pêcheur et donc le diable revendique évidemment son droit sur l'âme du pêcheur et le petit diable est totalement inexpérimenté et il ne sait pas par où sort l'âme d'un mourant. Alors dans le théâtre religieux, souvent, quand un saint meurt, son âme sort par sa bouche et on a un jeu de voile qui fait que voilà, les anges emportent l'âme du mourant au paradis. Donc là, c'est la farce. On est dans un monde inversé. Et bon, le meunier meurt en pétant, en effet, et le diable croit que son âme et que là est son âme. Donc il va recueillir dans un sac le pet du meunier et il l'emmène en enfer. Et évidemment, là, Lucifer, il empuantit l'enfer et Lucifer est absolument furieux contre son diable et bat le petit diable qui lui a ramené une âme puante. Voilà, donc ça, c'est typiquement le type de d'humour scatologique que l'on retrouve dans certaines farces et que Rabelais reprend, puisque Rabelais a puisé énormément dans le théâtre du 15e et du début du 16e siècle. L'historien, l'historienne du 16e siècle, surtout de la fin du siècle, étudie les guerres de religion et étudie l'eschatologie, la fin possible du monde, mais l'historienne du début du siècle est en plus dans la eschatologie. Exactement. On ne peut rien y faire. Alors, combien de Triboulets? Eh bien, au moins trois, on dit celui du roi René, celui de Louis XII, sans doute celui de François Ier. On pourrait même en rajouter parce qu'il y a les Triboulets qui restent dans les mémoires. En tout cas, voici les trois petits bouffons chantés par Jean Constantin. Petit bouffon du roi qui partait pour mériter la croix galopait sur un cheval de bois. Un, deux, trois. Deux, trois, quatre, il partait pour se battre et servir le bon roi Henri IV. Non, bien sûr, ça n'est pas du théâtre. Deux, trois, quatre. 3, 4, 5, juste à midi, moins 5. 3 tournées, hop, les voilà qui trinquent. C'est beau. beaucoup, oui, mais il faut qu'il vainque. 3, 4, 5. 4, 5, 6, les trois bouffons rugissent. Car là-bas, les ennemis surgissent, excitant leurs chevaux qui bondissent. 4, 5, 6. 5, 6, 7, les trois bouffons, pas bêtes, font semblant de croire à la défaite. Puis soudain, ils pourfendent sans tête. En 5, 7, 6, 7, 8, vous devinez la suite. L'ennemi fut bientôt mis en fuite et Penaud disparut au plus vite. 6, 7, 8, 7, 8, 9, se gonflant comme un bœuf. Nos bouffons traversent le pont neuf, solennel dans leur habit jaune d'œuf. 7, 8, 9. 8, 9, 10, les belles applaudissent. Les bouffons pour leur loyaux service. 3 petits tours, les voilà qui s'éclipsent. 8, 9, 10. Les trois petits bouffons chantés par Jean Constantin dans Le cours de l'histoire, une émission réalisée par Somaya Dabesh avec aujourd'hui à la technique Olivier Arnay. Aujourd'hui sur France Culture, nous nous intéressons à Triboulet. Triboulet, cette figure complexe de bouffon. Cédric Michon, ce Triboulet de François Ier est un personnage qui, vous nous l'avez dit étonnamment, a laissé peu de sources, mais il est omniprésent malgré tout. Comment se passe cette vie de Triboulet auprès du souverain par rapport à nos clichés? Nous imaginons un bouffon qui suit le roi partout. Est-ce vrai? Alors, il est vrai que dans les quelques témoignages qu'on a, il semblerait qu'il ait suivi, alors le deuxième et ou le troisième, ce ne sont pas les mêmes, qu'il ait suivi Louis XII et François Ier, notamment régulièrement sur les champs de bataille, notamment à la fin du règne de Louis XII, et semble-t-il aussi François Ier peut-être à Marignan et à Pavie. Donc effectivement, on a cette impression d'un bouffon qui est là tout le temps, partout avec le souverain. Mais ce qui n'est pas absolument certain, mais ceci dit, pourrait rebondir sur quelque chose que vous avez dit tout à l'heure, à savoir la dimension, et ce que disait Marie Boyic également sur la question de cette époque, une espèce d'âge d'or du théâtre comique, et qui est quelque chose de très vrai pour le XVIe siècle, avec cette idée aussi qu'il n'y a pas de solution de continuité, hein, il y a une longue progression du XVe au XVIIe siècle, et en fait, vous avez évoqué au cours de vos émissions précédentes, hein, le rire, le comique, l'humour, etc., qui sont des choses différentes, mais la dimension comique de la littérature de la Renaissance et du XVIe siècle en particulier est quelque chose d'absolument essentiel, que ce soit la Commedia dell'arte en Italie, Rabelais que vous évoquiez, même Marguerite de Navarre, Shakespeare en Angleterre, ou le roman picaresque en Espagne, ou Cervantes. Carrément, cette dimension comique est présente partout, et de ce point de vue-là, peut-être que, moi, il me semble qu'assez souvent, lorsqu'il y a une légende ou un rôle important qui est accordé à quelqu'un, en l'occurrence à Triboulet, dont tout le monde parle depuis la fin du XVIIIe siècle, et encore plus Victor Hugo, sans que l'on sache grand-chose de lui, même si l'importance de Triboulet est peut-être surestimée dans les discours, elle nous dit quelque chose de vrai sur l'omniprésence du comique à la cour et l'omniprésence de la notion d'esprit, la notion de répartie, de bons mots, de calembours, d'ironie. Et de ce point de vue-là, je pense que c'est peut-être que le personnage de Triboulet, encore une fois le deuxième et le troisième, hein, pas le Triboulet de René d'Anjou, mais c'est ça qui nous dit de plus intéressant, c'est cette omniprésence de l'humour, de l'esprit, de l'ironie que l'on trouve pour le coup dans les correspondances des contemporains. Oui, un Triboulet qui est présent auprès du souverain, mais surtout l'humour qui est présent à la cour, en France, globalement, à n'importe quel moment, même quand arrive un cheval. Advint quelques jours, ainsi que Triboulet marchoit devant le roi, devisant toujours de quelques sornettes emmanchées au bout d'un baston, son cheval fait 6 ou 8 pets dont Triboulet fut fort courroucé. Et pour ce, il descendit incontinent de la selle de son cheval et prend la selle sur son dos et dit au roi « Cousin, vous m'avez ce jour-là baillé le plus méchant cheval qui fut donc. C'est un ivrogne. Après qu'il a bien bu, il ne fait que péter. Pardieu, il ira à pied. Il a pété devant le roi. C'est un peu scatologique comme humour, il n'y a pas à dire. Les nouvelles récréations et joyeux de vie de feu, de bonne aventure des Perrier. Nous sommes au XVIe siècle en 1543. Une lecture par Tatiana Werner avec là un texte contemporain de François Ier. Il y a autour de l'image que nous avons du bouffon, au plus proche du roi, Cédric Michon, cette idée que, en plus de l'humour, il y a un peu de sagesse, un peu de conseil. Là aussi, est-ce vrai ? Oui, c'est vrai, avec bon, toujours le goût du paradoxe, hein, que les gens aiment, mais au-delà de ça, il y a sans doute un héritage qui est un héritage ancien et qui est qu'on trouve par exemple chez Cicéron dans son traité De Oratore sur l'art oratoire, avec cette idée que on peut utiliser de la plaisanterie pour décontenancer un adversaire, pour l'emporter devant une audience, la convaincre, etc. Et donc il y a cette idée que l'humour, l'ironie, la plaisanterie, le trait d'esprit est un moyen en fait d'arriver à quelque chose, d'arriver à convaincre son auditoire, et que donc le propos ironique, le propos décalé, le propos drôle est porteur de vérité. Et c'est quelque chose, encore une fois, que l'on retrouve très souvent dans l'écrit. Alors, dans la littérature, bien sûr, hein, je l'évoquais tout à l'heure, mais au-delà de la littérature, dans des correspondances qui sont des correspondances extrêmement sérieuses, des correspondances diplomatiques, et vous avez parmi les principaux conseillers du roi, certains qui se distinguent véritablement par cette qualité-là. Je pense au cardinal Jean du Bellay, hein, qui est un cousin du poète du Bellay, et le cardinal Jean du Bellay, dont on a édité la correspondance en une petite dizaine de volumes, c'est des milliers de lettres, eh bien, sa correspondance est extrêmement drôle, et il ironise, il se moque, il fait des sous-entendus, il fait des plaisanteries, par exemple dans un affrontement qu'il a avec le chancelier Antoine Duprat, qui est un homme de loi, hein, qui est issu de la longue montée en puissance de famille de juristes du Massif central. Jean du Bellay, lui, est un gentilhomme issu de la gentilhommerie moyenne de la vallée de la Loire, et on sent qu'il a un profond mépris pour cet homme de loi qui est au-dessus de lui, qui est chancelier, alors que lui n'est qu'un petit évêque de Bayonne à l'époque, et qui a des problèmes pour se faire rembourser ses frais de mission, pour dire les choses très simplement, alors qu'il est en mission en Angleterre. Et il renvoie dans une lettre, alors il n'écrit pas directement au chancelier, il n'est pas fou, mais il renvoie le chancelier à toutes les herbes de la Limagne, donc du Massif central, avec c'est vraiment le mépris d'un gentilhomme de la vallée des Rois, hein, d'un gentilhomme de la vallée de la Loire, qui ne comprend pas et qui vit très mal cette puissance du chancelier. Et donc l'utilisation de la moquerie à caractère social, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des conflits, je dirais, sociaux au sein de l'élite, hein, entre la noblesse de robe et la noblesse d'épée, qui donne lieu à l'expression de traits d'esprit très méprisants qui visent à discréditer l'adversaire en rappelant d'où il vient. Cédric Michon, dans la cour des lions, Hommes et femmes de pouvoir de la Renaissance, c'est l'ouvrage que vous publiez chez Passé Composé. Alors c'est Lyon, quel nom, hein, Henri VIII en Angleterre, François Ier en France, Charles Quint en Espagne, puis Soliman le Magnifique dans l'Empire Ottoman. Ces lions ont besoin d'une petite puce de temps en temps pour les piquer. C'est aussi le rôle de ces bouffons, de ces fous. Ils participent de la construction de l'image du souverain. Oui, sans doute, il y a cette idée. Et on peut rebondir sur quelque chose que disait Marie Boyer tout à l'heure à propos de l'ouvrage de Guillaume Meurice, qui est effectivement la question de l'actualité de cette question d'humour. Elle s'interrogeait sur le parallèle que faisait éventuellement Guillaume Meurice entre sa situation, on va dire, de bouffon de la radio, avec tout le respect que j'ai pour lui, et il s'interroge, à un moment, le personnage de Triboulet dans son livre, à la fin, s'interroge en se demandant si sa liberté cautionne le pouvoir et si elle ne sert pas à le rendre supportable, comme si le désordre renforçait l'ordre. Et de ce point de vue-là, effectivement, c'est une vraie question qu'on peut poser et qui rebondit sur quelque chose qu'a évoqué Alain Vaillant lors de votre première conférence, où il y a ce parallèle entre l'humour, l'ironie, comme je dirais type d'humour dans une société monarchique qu'il distinguait de l'humour anglais, et le parallèle qu'il faisait entre la situation française et puis la situation dans l'Union soviétique, et notamment l'Union soviétique des années 50, 60, 70, où il y avait effectivement des caricatures de presse qui étaient d'une dureté très surprenante pour un occidental par rapport à la dictature réelle qui était le système soviétique, mais où on pouvait se moquer notamment de la nomenclatura avec une dureté tout à fait surprenante. Et de ce point de vue-là, c'est effectivement il y a une vraie question sur la place de l'humour comme soupape qui permet de supporter ce qui sinon serait portable. Mais dans le cas, faut pas faire de contresens historique, hein, la France de François Ier n'est pas l'URSS de Brejnev, hein, c'est pas ça que je viens de dire. Et ces courtisans qui sont très ironiques, de ce point de vue-là, il y a des choses qu'ils n'attaquent jamais, et ils n'attaquent jamais le roi, sauf si vraiment c'est d'une manière où l'humour est très clair. Je pense toujours à ce cardinal du Bellay qui ne parvient pas à obtenir l'archevêché d'Auch, sur lequel il comptait parce que les revenus afférents sont considérables. Et en gros, il apprend que l'archevêque d'Auch qui était en train de mourir n'est pas mort, et il a dans sa correspondance une phrase au connétable de Montmorency dans laquelle il dit je propose que le roi de France arrête de guérir les écrouelles, qui est donc cette imposition des mains par les rois de France au moment du sacre à Reims et qui guérissait des maladies de peau. Et il dit, en gros, il ferait mieux de se reconvertir dans la résurrection des archevêques. Oui, c'est quelque chose on risque pas de finir au Montfaucon en disant ça, mais voilà, c'est le seul type de moquerie qu'il s'autorise, mais il n'y a jamais de moquerie sur sa manière d'être. Avec ses contemporains, que ce soit Henri VIII ou Charles Quint, sur sa manière de se comporter avec ses maîtresses ou avec les autres courtisans. Et puis il y a une mise en abîme formidable avec ces personnages amuseurs autour du souverain, alors pas tant du Bellay que Triboulet, c'est que ils sont récupérés bien plus tardivement au XIXe siècle, en 1832 par Victor Hugo, quand il écrit « Le roi s'amuse ». Parce qu'en 1832, c'est de nouveau la monarchie en France, c'est la monarchie de Juillet, donc Triboulet est réutilisé encore une fois pour se moquer un petit peu de tout cela. Allez, c'est le retour de Triboulet. Le roi s'amuse. Ah, diable. Et c'est très malheureux, car un roi qui s'amuse est un roi dangereux. Eh, voilà ce cher duc, mes amis, du nouveau. Une chose à brouiller le plus sage cerveau, une chose admirable, une chose risible, une chose amoureuse, une chose impossible, une chose inouïe arrive à Triboulet. Il est devenu droit. On l'a fait connétable. On l'a servi tout cuit par hasard sur la table. Non, c'est plus drôle. Il a... Devinez ce qu'il a, c'est incroyable. Un duel avec Gargantua. Point. Un singe plus laid que lui ? Non, pas... Sa poche pleine d'écus ? L'emploi du chien du tourne-proche. Un rendez-vous avec la Vierge au paradis. Une arme par hasard ? Je vous le donne en 10. Triboulet le bouffon, Triboulet le difforme. Cherchez bien ce qu'il a. Une maîtresse ! Ah. Ah, le duc est fort plaisant. Le bon comte. Et plus personne ne rit, le roi s'amuse de Victor Hugo. Oui, joué par les comédiens de la Comédie Française très récemment. Hein, c'était en 2021. Il y a aussi quelque chose de très touchant, Marie Bouygues-Gironès, sur ces personnages. Votre Triboulet, celui du roi René d'Anjou, il a quelque chose de touchant. Oui, alors, il a quelque chose de touchant. Je vous l'ajouterai quand même rebondir sur le Triboulet de Victor Hugo. Finalement, donc l'histoire du roi s'amuse, c'est que effectivement, on croit qu'il a une maîtresse, mais en fait, ce n'est pas sa maîtresse, c'est sa fille qui sera ravie et violée par le roi. Et dans ce que fait Victor Hugo, c'est effectivement, il insiste sur la proximité très forte entre le roi et son bouffon. Ça, c'est une chose effectivement qui court. Dans tout le théâtre, que ça soit Hugo, mais après Cédric Michon a parlé de Shakespeare. Évidemment, le bouffon et le roi, c'est aussi Shakespeare. Il y a les personnages de fous, de bouffons, sont très importants dans Shakespeare. dans le théâtre du XXe siècle aussi, on retrouve ce bouffon du roi, notamment dans Escurial de Gelderode, Folial, le bouffon. Et on a un huis clos entre le roi et son bouffon. Donc ce bouffon double du roi, il a vraiment été construit par le théâtre. Et dans cet extrait, on parle de la maîtresse de Triboulet, mais enfin, c'est les maîtresses de François. C'est François Ier qui est connu pour avoir eu des maîtresses, et tout le théâtre comique du XVIe siècle joue notamment avec la question des maîtresses du roi. Et c'est là où c'est la seule limite. Cédric Michon parlait effectivement du trait d'esprit qui peut aller très loin. On peut critiquer la cour du roi, mais pas le roi. Le roi est sacré, et la lèse-majesté, et donc sa vie privée aussi, et la lèse-majesté, c'est la seule raison de tous les procès politiques que je vois, moi, sur les acteurs. Voilà. On ne parle pas, on ne va pas jusqu'à la lèse-majesté, bien sûr, et on ne parle pas des maîtresses du roi. Et donc là, Victor Hugo va renverser les choses sur la soi-disant maîtresse de Triboulet, mais il s'agit bien sûr des maîtresses de François Ier. Cédric Michon, quand vous étudiez les conseillers du roi, tous ces personnages qui évoluent autour du souverain, il y aurait éventuellement une place accordée à Triboulet. Quand j'évoquais le fait que cette personne soit touchante, il y a quelque chose d'extrêmement humain. Mais tout cela est joué par la proximité créée dans cet univers extrêmement, alors pas encore figé par l'étiquette, hein, nous sommes au XVIe siècle, mais extrêmement codifié. Alors, oui, avec juste, là encore une fois, une évolution intéressante sur ce qui se passe, là, je parle pour la France, c'est que, et c'est une des caractéristiques de ce qui nous réunit aujourd'hui, ce matin, c'est une forme de liberté qui existe à la cour de France et qui est un peu une anomalie, je dirais, dans l'Europe du XVIe siècle. C'est-à-dire qu'il y a une tradition française qui d'ailleurs ne disparaît pas sous l'Ancien Régime, qui est que le roi évolue au milieu de ses sujets. Et la version la plus aboutie, paradoxalement, c'est Louis XIV. Louis XIV qui se retrouve prisonnier au cœur de la cour avec tous ses courtisans. Et donc, il y a une simplicité dans les rapports, et il y a une grande faiblesse de l'étiquette dans la France du XVe siècle, je veux dire la seconde moitié du XVe siècle et la première moitié du XVIe siècle. Et l'histoire de la cour, et c'est peut-être une influence sur la place du bouffon dans la cour de France, c'est que l'histoire de la cour de France, c'est l'histoire d'une remise aux normes internationales de la cour de France. C'est-à-dire que la cour d'Henri VIII, hein, parfait contemporain de François Ier, est une cour qui a une étiquette beaucoup plus formelle, qui a des appartements beaucoup plus allongés, avec beaucoup plus de pièces, qui séparent le roi de l'ensemble de ses courtisans. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a une forme d'absence de visibilité de Triboulet, qui, encore une fois, est plus un personnage, comme le disait Marie Boilly, qui est plus un symbole qu'autre chose. C'est-à-dire qu'il y a une liberté de parole et de ton à la cour de France jusqu'à Henri II. De ce point de vue-là, il y a vraiment une spécificité du règne de François Ier et une vraie rupture avec le règne d'Henri II, qui est ce que j'appelle une remise aux normes internationales. C'est-à-dire que la cour de France va chercher à être beaucoup plus rigoureuse dans l'accès au souverain, en copiant en fait d'ailleurs des modèles qui peuvent être francophones au départ, si on veut, puisque c'est le modèle bourguignon, hein, c'est le modèle du cœur du XVe siècle, qui va revenir en France après être passé par l'Espagne de Charles Quint, qui lui-même est un descendant des ducs de Bourgogne. Et donc, de ce point de vue-là, il y a cette relative liberté de parole qui, d'ailleurs, choque les ambassadeurs étrangers. Les ambassadeurs d'Angleterre, d'Espagne, les nonces pontificaux, les ambassadeurs italiens sont assez surpris. Et de ce point de vue-là, qu'il y a eu toute une série de plaisanteries rapportées autour de flatulence, c'est quelque chose qui choque les Italiens. Mais c'est sûr que nous avons ici, avec Triboulet, un personnage, et vous nous l'avez très bien dit, l'un et l'autre, hein, Marie Bouaïc-Gironès et Cédric Michon. Marie Bouaïc-Gironès, hein, je rappelle, l'éclairée de la Basoche et le théâtre comique, et vous, Cédric Michon, dans la cour des Lions. Je sais pas, c'est composé. Oui, des personnages. J'adore étudier l'évolution de la cour de France à travers son bouffon. Merci vivement à vous deux. Il est temps, dans le cours de l'histoire, de retrouver Anaïs Quien et son journal de l'histoire. Bonjour Anaïs Quien. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, vous allez nous parler d'une restitution particulière. Réparer un acte immoral, c'est la motivation de l'université d'Aberdeen en Écosse qui a décidé de rendre une des pièces d'exception de sa collection, une tête de bronze d'Oba, le nom donné au roi de la dynastie Edo à la République du Nigeria. Neil Curtis, le conservateur du musée de l'université, explique la démarche. L'université a décidé qu'il était juste qu'il soit retourné à Benin City, au Nigeria, et de le rendre sans condition. L'œuvre deviendra leur propriété et c'est à eux de décider ce qu'il faut en faire. Ce bronze d'Oba, bientôt de retour au Nigeria, pourrait être une affaire de restitution bien menée de plus. Mais pas tout à fait. C'est une histoire qui dépasse de loin cet objet particulier. Une histoire mondiale et une histoire du présent nigérian. L'objet fait partie d'une série dispersée à travers le monde après le pillage en 1897 de la ville de Benin City. On se trouve bien sur le territoire de l'actuel Nigeria et non du Bénin. Un pillage systématique opéré par un corps expéditionnaire britannique accompagné de destruction et de l'exil du roi, l'Oba Ovonramwen, pour venger la mort du consul James Robert Phillips, qui avait échoué un an plus tôt à imposer la colonisation du territoire. La destruction contre la résistance à la conquête. Le Nigeria demande la restitution de ces objets depuis des décennies, des objets par milliers, parmi lesquels plus d'un millier de plaques de laiton arrachées au palais royal de Benin City, qu'on désigne sous le terme de bronze du Bénin, qui ont ensuite été données, vendues, acquises par les musées européens et états-uniens. Le ministre de la Culture du Nigeria, Alhaji Lai Mohamed, a salué le geste écossais comme un pas dans la bonne direction, souhaitant que cette démarche incite d'autres détenteurs à l'imiter. En effet, des objets spoliés de Benin City se trouvent toujours en Grande-Bretagne, en Amérique du Nord, en Allemagne ou en France. Dans son dernier cours du Collège de France, l'historienne Bénédicte Savoie inaugurait le chapitre consacré à l'implication des armées dans le pillage de l'Afrique subsaharienne par une photo glaçante. À Benin City, en 1897, des officiers en uniforme, assis fièrement au milieu de leurs trophées, des défenses d'éléphants gravés, des statuettes anthropomorphes ou zoomorphes, des bronzes du Bénin, une accumulation impressionnante d'objets qui venaient de changer de propriétaire par la violence. Une culture du butin de guerre tombée en disgrâce à l'époque entre les nations européennes dans l'éventualité d'une guerre qui les opposerait, mais pas sur le sol africain où, à l'heure des conquêtes coloniales, se servir dans les richesses rencontrées était une pratique acquise, notamment pour alimenter massivement les musées des métropoles occidentales. Dans un article publié sur le site The Conversation, l'historienne de l'art Felicity Bodenstein nous aide à comprendre le poids de ces restitutions aujourd'hui au Nigeria. La couronne Edo et son Oba actuel, Eware II, s'est donné deux missions symboliquement très connectées. Le retour des biens dispersés dans les collections étrangères et la lutte contre l'exode des jeunes femmes de la région. Vu de loin, les deux enjeux semblent a priori sans lien direct, mais sur place, ils sont vécus comme deux rapports parallèles et critiques au monde extérieur. Quelque part, à l'étranger, se trouvent les reliques et les enfants du pays. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, à écouter, à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France. Demain, quand le rire s'empare de la radio, les ondes se gondolent. France Culture, l'esprit d'ouverture.